Non, pas trop. T'aimes pas trop les gens? Ah? T'aimes pas trop les gens? Non, je sais pas. T'aimes quoi dans la vie? Ah, le foot. Que le foot? Ouais. Oh. Tu penses par rapport à ça? On parlait des dieux, de divinités, des Corans, de la Bible. Bah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien? La Bible. La Bible, c'est bien. Mais il y a la Bible, il y a les Corans, il y a le Tao Te Ching. Il y a le Tao Te Ching. Tu connais le Tao Te Ching? Oui, je connais. Tao Te Ching, c'est un livre. Tu peux les expliquer qu'est-ce que c'est le Tao Te Ching? Oui. Alors là, je vais continuer à lire le livre Au-delà de la mort. Il dit « Où se renseigne en effet notre pensée lorsque vous êtes arrêté au courant de votre journée. Ne laissez pas vagabonder votre imagination des images et passant au tableau subtil devant vos yeux psychiques. Pour nous qui sommes esprits, de tout ce qui se déroule par l'esprit, dont l'esprit a l'existence séparée. Spirituellement, les matérialisés, je veux dire que la création immatérielle que je... que vous appelez des rêves, je ne parle pas à ceux qui accompagnent le sommeil, ayant une composition fluidique semblable à la nôtre, aussi vraie positive que nous-mêmes, nous vivons dans cette ambiance psychique et selon l'état de nos âmes, nous entourons de la réalité irréelle. S'il est possible d'ainsi dire et répondre à notre degré, après le degré d'évolution de l'esprit arrivé des auteurs spirituels, très grand n'aura pas que des pensées belles et élevées, de sorte que tout ce qui l'entoure est ancré par l'émanation de son moi spirituel, revêtira les formes pures en rapport avec lui-même. Eh ben, le paysage dont vous parle, souvent les descriptions menues faites par la vie dans nos sphères, peuvent ainsi se décrire différemment selon les cas. Cependant, chacun de ceux qui étaient vous renseignés dit la vérité. Pour comprendre, représente-toi que tout ce qui vit dans le souvenir, lieu de demeurer, la vague indistincte prend la forme stable et aussitôt s'est entouré de la réalisation de tes rêves les plus beaux. Ce qui avait vibré en toi l'environnera réellement. C'est un rêve raisonné dans lequel tu agis et tu vis, comme il arrive dans votre sommeil, mais sans que dans ce cas vous puissiez régler ni contrôler vos actes et les événements qui en découlent. Je ne veux pas dire que nous en agissons d'une manière positive, car au contraire, notre puissance d'action est de bien plus grande puisque la matière ne nous arrête plus. Et comparaison, je viens faire ce rapport, surtout à des lieux, aspects, aux choses. Vous songez à un palais. Tirez, s'il diffie, un temple. Tirez, vous pouvez prier à un océan. Comment on peut prier un océan? Après, tu sais pas? Je sais pas. Comment tu penses, Jason? Comment on peut prier un ancien? Hein? Je sais pas. Qui c'est là, Alain? Tu sais comment on peut prier un ancien? Je sais pas. Ouais. Comment tu sais? C'est bon, ça marche. 1-2-1-2. En butant les patrons des multinationales qui raclent le fond des océans. Comme des enculés. Ouh là là, oui. Déjà ça. Les patrons qui bat la multinationale. Ah, ça marche. Moi, je suis oui. Pour une exécution plus ou moins sommaire, précédée d'un bon petit procès des patrons des multinationales qui mènent l'humanité à leur perte. Ah, qui mènent l'humanité à leur perte, oui. Qu'est-ce que c'est qu'exécuter 500 personnes pour le sort de 6 milliards ou 7 milliards ou 8 milliards, hein, après tout? Il faut faire un peu de réel politique, moi je dis. Oui, c'est intéressant de mélanger tous les protestations sociales collectives avec les mysticismes. Et combien de fois on dit à France Info que les policiers voulaient tuer des étudiants à Paris? Ouais. C'était grave, hein. Qui est dans le grand angle, ils disent qu'ils ont voulu tuer les étudiants, voulaient tuer les policiers, c'est les policiers qui voulaient tuer les étudiants. Mais les étudiants n'avaient rien fait de mal, mais ils voulaient s'y prendre aux étudiants, les policiers, en tuant les étudiants. Et ils ont fait grève. L'histoire de comment elle s'appelle déjà, Zineb Redouane, je crois. C'est l'histoire d'un flic qui a vu une grand-mère rebeu à la fenêtre et qui s'est dit, je vais faire un petit carton, ça va passer crème. Et il a vu la dame, il a tiré, elle est morte et le mec, il est promu. Tranquille. Ah, le mec était promu tranquille. Il a tué une dame, c'est acté, on connaît toute l'histoire. Un mec, il a vu une dame, il a fait il a bien visé. Après, il faut savoir. Alors, on va reprendre après l'océan. S'il vous est possible d'y naviguer, c'est ce qui fait lorsque vous interrogez vos amis des plans qui succèdent à celui de la Terre. Ils répondent parfois d'une manière très différente. Chacun raconte son rêve qui n'est pas le rêve des autres. On raconte son rêve qui n'est pas le rêve des autres. Qui n'est pas pareil que les autres. On raconte son rêve, son propre rêve qui vient de soi. Et après, il dit, mais que d'autres n'ont pas expérimenté, en résulte qu'il est bien difficile de vous décrire le ciel. Mais il n'y a point de lequel aucun d'entre nous ne fera réponse de différente. C'est le point essentiel et indispensable. Dieu nous aime et votre amour en échange, Dieu nous pardonne de cet amour, mais votre repentir en échange, Dieu nous a promis le salut en Christ, son amour incarné, mais ne veut nos efforts vers le bien en échange si nous accomplissons pas cette volonté. Moi, je veux dire un truc à propos de Dieu. Être aimé de Dieu, c'est être aimé de personne, en fait. Être aimé de Dieu, c'est être aimé d'une entité qu'on a fantasmée depuis la nuit des temps. Et vaut mieux être aimé des gens qu'être aimé de Dieu, moi je dis. Vaut mieux être aimé des gens qu'aimé de Dieu. Ouais. Mais est-ce que les gens, ce n'est pas un autre nom de Dieu aussi ? Je suis d'accord. Mais le Dieu chrétien, où on se morfond dans l'humilité, on se bat la coulpe sans arrêt, on se dit qu'on est abject face à la glorieuse idée de Dieu. Et on a un espèce de rapport personnel, intime avec Dieu. Il peut nous couper de la solidarité réelle, de l'amour des gens. Ouais, parce que quand on reçoit l'amour de Dieu, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de l'amour des gens. Or que c'est l'amour des gens qui est primordial. C'est les relations sociales qui font un humain. C'est la relation humain. Qui crée le lien. C'est tout l'ensemble des interactions entre humains qui font un humain. Il n'y a pas d'humain tout seul. Tu penses quoi, Ignatinho ? Pense à un micro. Tu as un micro là-bas, là, rien. Tout seul. Ouais. Tiens, Niel, est-ce que tu peux prendre le micro qui est là ? Prends le micro, donne ton avis. Je suis d'accord, bien d'accord. Si, il y a des humains qui existent tout seuls. Ouais, mais regarde. Tu veux dire comment ils font pour s'en sortir ? Est-ce que, et déjà d'une, ouais. Et est-ce qu'un cri dans la forêt, ouais. Que personne n'entend, il n'y a aucune oreille à 10 000 km à la ronde, il y a un cri dans la forêt. Est-ce que le cri, il a fait un son ? Hein ? Est-ce que le cri, il a fait un son s'il n'y a pas d'oreille pour l'entendre ? C'est lui qui est censé entendre. Il entend ou il n'entend pas ? Si personne n'entend. Il y a une personne qui entend. Hein ? Il y a une personne qui entend. Il n'y a personne qui entend. Si, il y a une personne qui entend. Non, personne. Ah si, moi je dis que si. Ouais, mais il faut imaginer. Il faut imaginer qu'il n'y a personne qui l'entend. J'entends, moi. Ouais, mais imagine. Il n'y a personne. Il y a un cri. Si j'imagine, j'entends moi-même. T'entends toi-même, pas bête. Ouais. Pas bête. Donc il y a un son. Mettons tes sourds et tu cries. Bah non, parce que vous dites que la bouche parle aux yeux, la bouche parle à l'oreille. Ouais. Et les yeux, les yeux parlent aux yeux. Je suis d'accord. Ouais. Mais si t'es sourd et que tu cries, et que donc, tu peux pas entendre, et qu'il y a personne, il n'y a pas un animal, est-ce qu'il y a un son? Est-ce que le cri, il a fait un non, son? Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis d'accord avec toi. Non, il n'y a pas. Philosophiquement, t'as raison. Mais sinon si y a comme tu dis, s'il y a une oreille, quelqu'un est obligé d'entendre. Si y a une oreille, il y a un son, mais s'il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de son. Ouais, bah ceux qui n'ont pas d'oreille, ils n'ont pas de son. Je suis d'accord. Voilà. Bien vu. Après, il dit, nous a promis le salut en Christ, son amour incarné, mais il ne veut pas nos efforts, le bien en échange. Accompagnons et plissons pas cette volonté. Plissons pas cette volonté. Le jour de la seconde mort viendra pas pour nos âmes, dans la détruira de coup les premières morts, uniques ou successives détruit nos corps. Faut connaître. Ces efforts. Ouais, moi je voulais juste savoir si on peut parler un petit peu de musique. Musique américaine. États-Unis, tout ça, là, si on pouvait en mettre un petit peu, écouter, tout ça. Ouais, parce que il y en a marre du rap français, tout ça. Et qu'est-ce que t'en as marre du rap français? Il se passe quoi au rap français? Ah, il se passe des drôles de trucs, hein. Ah ouais, comme quoi? Ah, des trucs méchants, des trucs bien, des trucs bons, des trucs mauvais, des trucs un petit peu tout. C'est qui les artistes? Les artistes, bah, moi, je sais pas, hein. Moi, je les vois, mais je dis rien. Pour l'instant, je dis rien pour l'instant. Mais on verra après. Ok. Par exemple, Maître Gim, c'est une merde, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Non. T'as dit quoi, Maître Gim? Non, j'ai pas dit ça. Ils ont tout ça, un côté bon, un côté mauvais. Ah, ok. Pas en eux-mêmes, hein. Maître Gims. Mais ils ont un jumeau, ils ont un autre ailleurs. Un côté caché d'eux-mêmes, quoi. Un côté caché d'eux-mêmes, voilà. Ok. Ouais. Yo, y'a quoi, Maître Gims? Ah, tu Maître Gims, c'est à quoi? Ah, tu l'aimes bien, Maître Gims? Elle est bien. Ah, ok. Ton meilleur son de lui, c'est qui? C'est quoi? Ton meilleur son de lui, c'est quoi? Le meilleur son? Ouais. Ah, je sais pas. Peut-être Caméléon. Caméléon? Ou Zombie. Ouais, Zombie. Tu peux chanter Caméléon, s'il te plaît, pour voir? Non, je sais pas. J'ai pas les paroles. Tu veux qu'on mette ça un peu? Attends, on va mettre un peu de pâte. On s'est laissé tomber, laisser passer. je connaissais là. Bonjour tout le monde, Bibip vient d'arriver au studio. Je voulais passer un big up à tous ceux qui sont autour de la table. Hein. On n'a pas fait présentation, donc je ne sais pas qui est en face de moi. Alain, on chantait Alain. D'accord. Est-ce que t'as le nom d'artiste à la radio ou pas? Non, tu es Alain, Dusk. Ah, le Dusk. C'est du G11. Du G11? Ouais, il n'y a pas du G14. Ouais. Mais pas du G14. Ouais. Et il est habitué. Et voilà, donc je suis patient au CMP. Et je monte pour voir au studio, il y a qui, parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a du beau monde, il y a du bon people, hein. Il y a en plus des bonnes discussions des fois sur le front, hein. Des fois il y a des bons fronts, il y a des bons thèmes, et je vous invite tous à toujours nous écouter. Hein. Merci. Je vais leur expliquer un petit peu comment ça se passe dans le système solaire. Il y a votre nom, c'est quoi? Je vais il y a Jupiter, il y a Jeanne Jupiter. On a plusieurs là. Gigi, dans le système solaire, quand tu penses au bien, tu vois le bien. Quand tu penses au mal, tu vois le mal. Ouais. Non, mais Ignatinho nous parle à chaque fois du système solaire. La semaine dernière, nous a révélé qu'il y avait plein de planètes qui ne sont pas encore vues, Mitak, Soutak, tout ça. Hein. Mais là, il vient de nous dire. Non, mais attends, est-ce que tu peux annoncer la nouvelle, Inaltinio, tu peux dire la nouvelle de Planète en Belgique, là, s'il te plaît, au micro. Je connais pas les noms encore des planètes en Belgique, les planètes blanches en Belgique, mais... C'est bien la Belgique. Je connais les dernières planètes que j'ai visitées, c'était Quantum, Atum, Soltum, Magdum, Agadum, Atum... Ah, ouais, Magdum. Ouais. Je m'en souviens, il y avait Quantum oui, également. Ouais, c'est le système planétaire d'ailleurs, celui-là. Tu connais ça? Bah oui, je connais. J'ai voyagé moi aussi. Ah ouais? Ah oui, mais moi je voyage au fin fond de l'invisible. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a des choses matérielles et des choses immatérielles. Hein? C'est comme le quantum, hein, comme on vient d'en parler. Hein. Ça peut exister dans plusieurs états. Un état qui est binaire. Être ou ne pas être. Donc il y a des êtres qui peuvent paraître et pour qui d'autres, ils ne paraissent pas. J'appelle ça le monde des invisibles. Et hélas, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent les apercevoir. Bon, moi j'arrive à les apercevoir grâce à des réactifs. Que pas tout le monde prend, mais avec ces réactifs, j'arrive à les prendre en photo par ailleurs. Donc, j'ai un petit album. Hein. Un jour, je ferai un petit récap et je vous montrerai. Hein. Pourquoi pas? Tiens, je vais chercher sur mon appareil photo pour voir ce que j'ai. Oh, tu arrives à prendre en photo ce qui est invisible, mais il faut avoir de l'imagination. Oui, d'accord. Il faut avoir de l'imagination pour le voir. Mais l'imagination avec des visages bien sur les photos, je ne sais pas si tout le monde peut y arriver. Oui, non, mais non, si toi tu nous dis, on peut. Parce que là, vous êtes deux, là, Inaltinio qui fait les systèmes solaires. Toi, tu vas plus loin que les systèmes solaires. Moi, effectivement, j'arrive à les prendre en photo. Et tu les prends en photo dans quelle partie de l'univers? Ici, dans le noir. Vas-y, t'arrives. Bon. Du moment qu'ils sont avec moi. Attention, mais madame, monsieur, puis l'autre, de côté, on va. Là, mais là, c'est une longue recherche, là. On va regarder. Malheureusement, on ne peut pas montrer à la radio, mais on va regarder des photos des invisibles qu'il a pris en photo. Vous voyez? C'est les invisibles que tu as pris en photo. Bah oui. Ouais. Prends une photo là dans le studio. C'est plus les invisibles, là. Là, prends des photos. Là, il y a Inaltinio qui fait l'invisible. Inaltinio qui pose pour montrer les invisibles comme ils sont. Ils sont où les invisibles? Montrez-nous les invisibles. Là, il y a une espèce de carte. Ah oui, tous les grands, ouais, et ça c'est Mitak, Soulac, tout ça. Et tu voyages là à l'intérieur? Oh là là, en ce moment il est à l'intérieur, voilà. On peut pas montrer ça à la télé, mais il vient de nous montrer une espèce de map monde, une carte où il est à l'intérieur et en ce moment il voyage en direct. Il s'est sorti de la carte pour venir nous montrer ça. Ah oui, ah, je le vois. Mais ça, c'est quoi? C'est sur le mur? Bon, après, on va dire c'est un détail, mais toutes les photos, il y a des choses qui ressortent comme ça, sur toutes les photos. Ces photos? Celle-là, elle n'est pas marquante. Elle n'est pas marquante, mais si on la dirige autrement, on peut voir autre chose. Est-ce que là, on voit bien le nez, les deux yeux, une espèce de forme? Bon, celle-là, c'est rien. J'en ai d'autres. Ah, c'est super, mais ces photos, tu les prends sur les murs ou sur les arbres? Sur les arbres. Donc, dans les arbres, il y a les invisibles qui s'impriment. Bon, t'arrêtes. Super, Inaltinio. Qu'est-ce que tu vas faire de la carte dans YouTube? Non, mais c'est ça, mais c'est la carte. C'est la carte. Toi, tu voyages par les cartes. Tu voyages dans la carte. Lui, il voyage dans les arbres. Il voit les invisibles dans les arbres. Moi, je connaissais quelqu'un qui... Là, on dirait pas Ouais, non, c'est raté. On voit, là, on est en train de regarder, mesdames, messieurs, des photos des invisibles qui ont été prises sur les arbres à Bondy. Et on va, après, on va écouter la musique serbe. Les arbres à Bondy. Ouais. Ils prennent des photos des invisibles. Et lui, sur les arbres, Ignaltino, sur la carte, moi, je connaissais une femme qui voyageait à travers le miette du pain. À travers la miette du pain. Moi, ouais. dans mon système, on parle pas plutôt de la mort et de la vie. Oui. Et c'est où la mort et la vie dans la carte, sur la carte? Hein? Elle est où la mort et la vie? Bah, pour l'instant, je sais pas où, dans cette carte-là, elle est où, mais je sais pas. Mais il te parle les invisibles sur la carte ou pas? Ah, je vois beaucoup de morts, ouais, mais il y en a marre. Hein. Tu en as marre de morts? Ah, il y en a marre. Mais en fait, mais ils sont morts, ils sont pas morts là-bas. Non, moi, je les vois en squelette, en squelette et en... Je sais pas comment vous dire ça, en squelette et en... comment dire ça? En radio. En ombre, ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui entendent des voix, hein, qui voient aussi des ombres autour. Des ombres et des voix. On parlait de ça l'autre fois ici. On a même une voix qui a cassé une assiette là, quand on parlait de ça. Ah, ouais. C'est une voix qui a cassé une assiette. Ouais, tu te rappelles qu'on était là? Non, tu étais moi, là. Moi, je m'en rappelle, j'étais là. C'est ça, t'es là. Ouais, voilà. Donc, en fait, tout ce qui est invisible, c'est perceptible à autre niveau. Donc, les gens, il y a des gens qui au voient. Au moins, est-ce que vous savez ce que c'est que la mort et la vie? Non. Bah, la mort, c'est quand tu te trouves enterré sur terre, sous terre. Quand t'as plus d'esprit, t'as plus d'âme, t'as plus rien et tout ça, t'es enterré sous terre avec un cercueil ou un truc, et la vie c'est tu vis pour toujours et t'as le droit de faire ce que tu veux, et quand tu veux, où tu veux. Mais pas forcément n'importe comment ou n'importe quand. Parce que c'est punissable. Et les vivants, c'est quoi alors? Les vivants, c'est les morts qui hantent la vie. Donc nous, les vivants, on est une espèce de double des morts. Non, c'est des personnes qui hantent la vie, qui cherchent à avoir des morts d'autres vies. Donc, tu penses qu'un peu les vivants, c'est la nourriture de morts? Non, c'est des morts, mais qui hantent la vie. Ouais. Qui hantent la vie. Qui vont hanter la vie, ouais. C'est comme. Ils sont venus expérimenter. Micro. Voilà, qui sont venus voir ce qui se passe, qui cherchent. Micro Alain. Qui cherchent des choses. Voilà. Mais ils cherchent quoi, en fait? C'est ça le truc. Ils cherchent quoi? Ouais. Bah, ils cherchent tout ce que tout le monde souhaite, la destruction de tout ce qui existe et de la vie et tout ça. La destruction. Ah, destruction, ah oui. L'entropie. Je connais pas. C'est-à-dire, tu vois, alors, tu prends une tasse. Une tasse, mettons, comme celle-là. Est-ce qu'elle a plus de chances de traverser l'éternité en forme de tasse? Ou est-ce qu'elle a plus de chances de traverser l'éternité en forme de tasse brisée, cassée? Ça dépend de ce que tu appelles une tasse. Cette tasse. Ah, cette tasse. À mon avis, elle ne vivra pas longtemps. Je suis bien d'accord. Maintenant, le concept d'éternité. En fait, tout ce que, au moins, les humains créent, c'est destiné à sniquer comme cette tasse, parce que la probabilité dit qu'il y a plus de chances que tout finisse en mille morceaux. Ça dépend, que tout reste intact. Ça dépend après. Donc on va vers plus en plus de désorganisation. Et selon les gens, là je saute un peu de loin, l'état final de l'univers, ça sera une ligne plate. Ça sera une ligne plate, l'état fini de l'univers. Moi je dis, la Terre sera écrasée, les icebergs seront brisés. Tout ça, les planètes seront détruites et tout ça. Ultimement. Ça, c'est la théorie du chaos, ça. Ça, c'est la théorie de l'entropie. De l'entropie. Non, c'est réel. Ouais, c'est une vraie c'est théorie. C'est le Big Crunch. Je me suis arrêté au Big Crunch. Le Big Crunch, je ne connais pas. C'est le Big Crunch. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit, si l'univers, au final, va se replier sur lui-même par la force de la gravité. Par la force de la gravité. Il va gonfler et il va s'étendre à l'infini. Et au lieu qu'il soit une plaie à l'heure actuelle, je crois. Si un jour l'univers, il va... Là, il croit que l'univers est en train de s'étendre et il se demande si un jour il ne va pas se rétracter pour revenir au niveau dense du Big Bang. Pour refaire une explosion pour à nouveau s'étendre. Ça, c'est une théorie. Mais moi, ce que j'aime bien, moi, c'est le film Men in Black. Men in Black, il peut résumer vraiment quelque chose. J'avoue, il fait réfléchir. Quelque chose qu'on voit comme immensément immense, d'accord, peut paraître comme une bille à la fin. Dans une bille, comme un petit atome pour nous et tellement petit. C'est comme tout ce qui est si minuscule et si gigantesque se rejoignent. C'est fabuleux, incroyable et indolore pour nous, êtres humains. Tu préfères lequel de Men in Black? Tu te rappelles du peuple du casier? Tu préfères lequel de Men in Black, le 1 ou le 2 ou le 3? Non, le 1. Le 2 et le 3, c'était pas le copie. Hein. Ah ouais? Mais Terminator 2, hein, oui, c'était le meilleur. De Terminator. Terminator 4. I came her back. Terminator 4. Non, le 2. Ah oui, le Rebac, je crois, il dit comme ça. Bon, c'est la haute cosmologie, là. Tu veux lire un peu plus Attends, mais il faut mettre le micro parce qu'il faut le 3, tu peux l'adresser un peu, Jason? L'aider un peu plus proche de la bouche. Voilà. On devait pas mettre du Tupac? Oui, on devait mettre du Tupac. Sinon, j'ai mon amie Sania, elle vient de Serbie. Hein. Elle est vraiment. Oui, Sania, tu vas nous mettre un peu de la musique là. Elle est très agréable danseuse. Bien, tu as une place là. Moi, je veux juste demander si on pouvait appeler l'armée islamiste. Sur la musique l'armée islamiste. Hein. Incroyable. Hein. La meuf du clip, hein, elle est dégueulasse par rapport à elle. Hein. Franchement, elle a un niveau. L'armée islamiste de quoi? De la joie. Sania, elle va nous préparer un petit morceau bientôt. Le temps qu'elle le trouve. Ça, c'est ça, professionnaliste. Mais Tupac d'abord. Bon, Tupac d'abord, moi j'allais mettre un peu de... Hein? Shakir. Shakiri. Celui qui est dans la Shakir. Il est 4h35, on est dans 25 minutes, on est en direct sur la radio. Sur Pino, et radio Métanoïac. J'arrive pas à trouver, tu as mis quoi contre Tupac là? Attends, il était là. Il n'est plus là. Nous avons une nouvelle arrivée. Oui, bonjour, Christelle Aguilera, elle vient d'arriver. Je cherche un manteau avec une capuche bleu Paris. Ah, on peut vous la faire apparaître ici, non? Alors, c'est le cosmologue. Non, parce que cette chère Amanda était là ce matin au club, elle a pas vu. Ah, c'est pas... Je n'ai pas vu, mais regardez. Regardez s'il n'est pas là. Tu veux mettre... C'est quoi comme micro? Proteiny, vitaminy, samo daje guza top. Nikadecie, ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Njena lista uvek ista, znači ništa turbo fok. Šatko sluša samo mene i još jednom ne znam kog. I nam sa će dica, i ne ti se dica kog. Ja bi zinje da je greje, ona kaže nema jo. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Maš ba? Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Razi duza. Razi duza. Šta moja beba radi sama? Šta moja beba radi sama? Šta moja beba radi sama? Šta moja beba radi sama? Radi. Samo da je guza top, nikad neće ništa slatko, ne treba je photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, da sam idiot. Moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi Oui, oui, oui, oui. Il y a de l'ambiance aujourd'hui, le Métanoïac. On dirait il y a de la joie quelque part. On est mieux en mieux là, on est moins parano, on est plus métano. On est sur Pinot, dans 22 minutes on est en direct sur les ondes de DAB. Et là tout le monde arrive, en bonheur, bonjour. Et on a des revues, ah super, merci beaucoup. Aujourd'hui on parlait des cosmologies, des invisibles, de plein de choses. Je sais pas si on va répéter ça tout à l'heure. E bili ski meni besedili, nik se dopače za to izvini. Kad ne peva ništa prvi skotom, pozdravi se sa životom. Ponovo se telo rasle sa dušom, tako mi je svaki put. Tobom oblačiš odelo, odlaziš bez reči, dok je drtim kao prut. Samo miris tvoj parfema tuna, meni ostaje. Tako bih volela da mrzim te, da ti kažem dosta je. Tebi viski meni bez jedini, nisam glupača za to izvini. Kad ne prevariš na prvi slotom, pozdravi se sa životom. Pogubio ti muški stvore, dođi sutra da mi brojiš bore. Ko sam glupuškac, bit ćeš mi stranac, kada prođu lutke moje. Oui, il est 16h40, on est dans des nouveaux arrivants à la radio là. Oh oui, c'est à quelle heure? Attends, tu peux prendre un micro, tu peux dire bonjour déjà. Bonsoir les... Bonsoir les métanoïaques. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ou les métano... À quoi j'avais pensé tout à l'heure? Les métanocrates. Les métanocrates. Ouais, bande les métanoïdes. De métanocrates. Ouais. Ouais, je suis pas gentille aujourd'hui, je sais pas. Ah, ça va, ça va, on peut nous traiter. Le nom métanoïaque peut se triturer dans tous les sens, ça disparaît. Oh ouais, pas, ça m'est venu dans les toilettes mais c'est bien. En cherchant le papier. Mais ouais. Non, mais là, il faut se défendre quand on nous traite des parano, on dit on n'est pas parano, on est métano. Pire que ça, je vous attaque sur le point de vue économique. Oui. Donc je vous attaque par le latéral gauche pour aller marquer le but. Le but de l'existence humaine. Ouais, droit au but. Parce que c'est ce soir quand même au MPSG. Ah oui. Ouais, c'est ce soir. Donc on m'a offert une télé, elle fonctionne. Le temps que je comprenne comment elle fonctionne, vous allez rigoler. J'ai mis une semaine à comprendre qu'il faut appuyer sur le bouton rouge. Ah oui. Pour pouvoir faire les autres manips après. C'est une vieille télé des années 80. Elle fonctionne, c'est génial. Je m'éclate. Ah oui. J'adore les vieux machins, je sais pas pourquoi. Mais le prenez pas pour vous. Et hein. Mais le match, il passe sur quelle chaîne? Le match, je crois que c'est sur France 3, d'après ce que j'ai compris. À 20h, c'est ça? Bah, j'aurais bien aimé bosser. Donc, j'aurais bien aimé être au Stade de France à l'ancienne. Parce que je travaillais chez le Stade de France. C'est comme ça que j'ai commencé à sécu. Ah, tu as travaillé sur les matchs de foot et de rugby. Vous avez fait quoi au Stade de France? France-Algérie, Maroc. Algérie-Maroc. Algérie-Maroc. J'ai fait tous les grands matchs de rugby. Mais comme je bosse, je peux pas regarder le match. Je regarde les gens. C'est les gens qui m'intéressent et leur sécurité. À quand? C'est, ouais, quand je bosse, je suis très sérieuse et je veux que je les appelle mes pilous. Alors mes pilous, c'est les gens dont je m'occupe, dont je suis responsable. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être... c'est mes pilous. Donc mes pilous, il faut qu'ils sortent et qu'ils soient heureux. Et dans ce bonheur qu'ils ont de faire participer à un event, il y a aussi la sécurité. C'est un petit morceau, mais c'est un gros morceau. Parce que quand ça déconne, bah, il n'y a plus de bonheur du tout. Donc on est super important, mais on doit être discret. Ah oui. On doit pas exister aux yeux des gens. Quand on n'existe pas, c'est qu'ils sont vraiment heureux. Et c'est pas facile de toujours rester discret parce qu'il y en a toujours pour faire les crétins. Oui, il y en a toujours. Ça, on sait. Il y en a qui comprennent pas pourquoi, par exemple, on n'a pas le droit à une bouteille d'eau sans le bouchon. Bah, une bouteille d'eau avec un bouchon, ça devient un projectile, ça devient une arme par destination. Donc vous devenez pénalement responsable de quelque chose de très très lourd si vous dégommez quelqu'un. Donc nous, on est là pour vous éviter les problèmes, pas pour vous éviter de vous hydrater. Donc il faut des bouteilles sans bouchon, c'est ça? À la limite, il ne faut pas de bouteille, c'est mieux. Vous l'achetez à l'intérieur et il vous donne le truc qui fait que c'est prévu pour ne pas être dangereux. Mais c'est très cher. Pour ne pas être dangereux. C'est prévu pour ne pas être dangereux. Mais le problème, c'est qu'ils se font de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais nous, la sécurité, on ne se fait aucun argent en plus. Notre paye, c'est toujours la même, avec ou sans emmerde. Donc on préfère quand il n'y en a pas. Hein. Oui. Vas-y, Johan, tu voulais dire quoi? C'est un très bon argument, ouais. Je pense qu'elle a tout dit. Donc je pense à mes collègues de stadier de tout le monde entier. Parce que là, OM PSG, c'est toujours les matchs à risque pour mes copains de la sécurité, de la sûreté. Et je leur fais un gros bisou au Stade de France. Tu seras toujours dans mon cœur. Et je pense aussi aux collègues qui sont partis. Excusez-moi, mais il y a toujours un revers à sa médaille. Et donc, Stade de France, je t'aime. Oh, Stade de France. Ouais, bon, donc pour ceux qui veulent voir ce match ce soir, il y a aussi une copine qui joue à la Dynamo à Pantin, Violaine Lochu, qui va faire avec un groupe qu'il a avec deux amis musiciens africains. Il va jouer, ce doit à la Dynamo. Vous êtes tous invités, venir la voir à 20h, pour ceux qui parlent foot ou pour ceux qui aiment la musique tout court. Donc on va mettre un peu de musique, on l'étend que... Ça démarre dans combien de temps l'émission? Le DAB, c'est dans 15 minutes. Bien chanté, tu hein. Quoi super. Tu vas m'amener de la musique pour faire yo, yo, yo. On est sur Pinote, on est sur Métanoïac, on est dans 10 minutes, on est sur, en direct là. Et Johan, c'est quoi ton... Déjà, il y a la musique, il y a plein de musiciens ici. Attends, Johan, qui va être... Il faut que tu viennes ici pour mettre ton truc YouTube. Il y a toi, Alain, ta musique, elle est où? Bonjour. Alain, c'est quoi ta... Et tu as un mini jack pour ton portable? Tu mets l'envoi. C'est bon? Ah, ok. Micro. Prends le micro, comme ça tu peux parler. Attends, j'ai oublié ton prénom. Pourquoi j'ai oublié le prénom comme ça? Sabrine. Non, c'est, oui, il y a un peu d'Alzheimer avant la date. Non, il allait très tiré, le monsieur. Il est fatigué. Ouais, ça se voit. C'est la guerre en Ukraine que ça m'est, ouais. Ça m'est détruit. Vous êtes parti, vous êtes revenu cette nuit. Je sais pas ce tous les soirs. Je sais pas ce qui s'est passé de tous votre côté. De là. Je suis au Donbass là. Vous avez entendu, j'ai entendu quelque chose de merveilleux et à la fois horrible. Ouais, je suis dans le revers de sa médaille là, le truc. Ils ont retrouvé dans les décombres en Turquie, parce que vous savez qu'il y a eu un... Je vous dérange? Non. Non mais ouais, en fait je voulais parler d'un truc merveilleux et triste à la fois. En Turquie, il y a eu un bougement de terre, un tremblement de terre incroyable avec plus de 50 répliques et une zone de déferlement et de déchaînement assez importante. Ah, de déferlement, d'enchaînement assez important. Ouais, c'est pour ça que c'est horrible. Et ils ont retrouvé un enfant qui était encore accroché au cordon ombilical de sa maman. Ils ont réussi à le sauver. Ils ont réussi à le sauver. Il vient de naître là, dans le merdier, donc moi je lui souhaite une belle vie. Ça pourrait être que plus joli. Lui, le premier jour, ça, on peut lui dire ta vie ne sera que plus belle. Ça ira de mieux en mieux. Et la maman, elle va bien? Non, la maman est décédée malheureusement. Le revers à sa médaille. Décombres, pris sous les décombres. Sous les décombres. Ouais, ils ont réussi à sauver le gamin. Il était encore raccordé à sa mère par le cordon ombilical. Tu te rends compte? Ouais, mais il a été sauvé, c'est magnifique. Normalement... C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Je te crois. Moi, j'ai une vision optimiste du truc, donc je me dis que c'est magnifique. Le micro, approchez les micros, voilà. Et Jason, tu peux l'aider à mettre le micro près de sa bouche? Donc, quand j'étais petite, j'avais en idole les chiens de décombre et les chiens sauveurs-sauvetage en mer. Et donc, j'ai sauvé un petit chien il y a quelques années. Et tu as donné la vie à ce petit chien ? Je l'ai appelé Bazooka. Bon, je l'ai appelé Bazooka parce que c'est pour me moquer. Non, pas du tout, comme l'arme qui a été utilisée au Bourget, c'est relié à du terrorisme et je travaillais en sûreté aéroportuaire à l'époque et c'était pour leur dire merde. Parce qu'il n'y a pas que le terrorisme soi-disant relié au monde musulman, il y a aussi le terrorisme, ça a toujours existé et c'était pas au départ, c'était pas un truc de musulman, c'était un truc de blanc, c'était au Bourget, ils ont utilisé un bazooka, ce qu'on appelle un bazooka, nous, parce qu'on n'y connaît rien aux armes. Exactement. Non, mais de toute façon, un attentat, ça peut pas être relié à une religion. C'est du n'importe quoi dès le départ. C'est pas. Ils utilisent la religion comme une arme. Tout ce que fait le terrorisme, c'est de transformer. Comme une arme pour détruire. Ils transforment les mots en armes. Ils transforment les armes en armes encore plus dangereuses. Ils transforment le bonheur des gens en quelque chose de malsain pour nous détruire. Tout ce qu'ils font, ça peut pas être lié à quelque chose de joli comme une religion. Une religion, c'est des choses que vivent les gens pour se sentir bien. Donc non, c'est pas arrangé dans le terrorisme. Si y avait la guerre de la Palestine et du Damas, c'est parce que les gens ont fait n'importe quoi d'effondrer les bâtiments. Toi, tu penses que c'est une punition ? T'es dans le genre punition divine et tout ? Moi, je pense non, pas. Mais c'est scientifique. C'est n'importe quoi. Ils sont sur un socle, ça fonctionne comme ça. On l'a appris à l'école, ça. Tu l'as appris en primaire. Oh non, on a appris en primaire. Tu sais comment ça marche ? T'as des plaques, elles bougent. Il y a des plaques et ça bouge. Des fois, elles se rencontrent et ça fait un. Ça, et voilà, et c'est on sait, on connaît les zones qui sont dangereuses, mais on sait jamais quand ça va arriver. C'est de la science. Après, mais arrêtez pas d'attaquer. Ta religion, c'est ta religion. Tu penses comme ça. Moi, je pense pas du tout comme ça. La Turquie a été punie de quoi ? Ils ont fait du mal aux Arméniens. Moi, je suis d'origine arménienne et je rentre pas dans ce délire-là. Je respecte beaucoup les Turcs. Et pourquoi en France Info, ils disent qu'ils sont punis par la Cour pénale internationale, hein, que la Turquie était... sont punis par quoi ? Oui, à France Info, ils expliquaient qu'ils étaient... le journaliste expliquait qu'ils étaient... qu'ils avaient des sanctions par la Cour pénale internationale pour l'effondrement. Hein. Là, je comprends pas. Pas pour l'effondrement de sismique, hein. Parasismique. Là, je comprends pas. T'as dû mélanger deux infos. Ouais, il y a un truc que t'as loupé. Non, un soutien. Ouais. Un soutien, c'est pas pareil. Ça veut dire que les gens vont les aider. Ah, ils vont les aider. Il y a plus de 50 pays, je crois, qui sont venus en aide presque immédiatement. Et donc moi, je voulais entendre s'il y avait l'Arménie, parce que dès que l'Arménie fait quelque chose pour la Turquie, je suis contente. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent de se bouffer le nez. Voilà, c'est mon message parce que j'ai des origines arméniennes et je suis pour la paix. Donc je suis désolée, quand j'étais petite, moi j'ai chanté pour toi, Arménie, parce qu'il y avait eu aussi comment on appelle ça, excusez-moi, le mot bloc, un séisme important. Un tremblement de terre. C'était un tremblement de terre important. Ils avaient fait une belle chanson, ça faisait pour toi, Arménie. Alors on était là dans la cour, on chantait ça, mais moi les copains ils savaient pas que j'étais d'origine arménienne, donc ils m'énervaient avec ça. Voilà. Tiens, prends le micro. Un tremblement de terre, ça n'a rien à voir avec l'Arménie. L'Arménie c'est les armes, mais un tremblement de terre c'est surnaturel. Donc l'Arménie ça vient des armes. Ouais. Il marche pas. Ah, le symbole de l'Arménie, c'est la grenade. Allô ? Le fruit, c'est ça. Hein. Allô ? Oui. Il y en a pas trop là. Samar, tu peux parler ? Vas-y, on t'entend bien. Là. On est à une minute. Ah oui, ouais. Une minute, tu peux présenter la radio, Radio Métanoïac. Bonjour, bienvenue. Il y a bien, mais une musique, s'il vous plaît. Quoi ? On a une musique ? Oui. Musique, là, on va commencer avec Johan. Mais avant la musique, on va présenter la radio Métanoïac. Et comment il s'appelle ? Bastien ? Oui. Dans une minute, tu peux dire bonjour, on est la radio les Métanoïac. Bonjour, c'est la radio Métanoïac. Voilà, on est sur Pinot, on est là pour transformer la planète. Pour transformer la planète. La vie, la galaxie, les univers, tout ça. Tu t'inspires et tu parles un truc. Si ça marche ton micro. Il faut donner de l'énergie voilà. À ce qu'on fait. Hein. Il est 5h. On va commencer. Tu peux présenter, vas-y. Vas-y. Oui, je présente la radio Métanoïac. C'est des cigarettes, on a l'impression c'est des vraies cigarettes. Vas-y. Attends, il y a trop de... Tu une cigarette, prends. Je présente la radio Métanoïac. On dirait des vraies cigarettes. Je vous donne la parole. Oui. Oui, je voulais dire qu'à côté des plaques, là, vous avez vu que vaut mieux des fois être à côté de la plaque. Hein. Ça évite les tremblements de terre. Bon, ça radio. Évite les tremblements de terre, voilà, du parasismique. Hein. Voilà. Donc, ceux qui sont à côté de la plaque, vous voyez, il y a quelques avantages. Hein. C'est le revers de la médaille, c'est que vous n'êtes pas pris sous la plaque. C'est d'être pas pris sous la plaque, comme voilà. Vous dites. Hein. Donc, Radio Métanoïa, c'est la radio à côté de la plaque, la radio qui fait une claque, la radio qui nous plaque à terre et qui nous emmène vers les cieux. Radio Métanoïa, c'est parti. On va commencer avec Johan qui va nous montrer une de ses dernières créations. Là. Johan, peux-tu présenter ton morceau là, avant de commencer? Alors, bonjour à tout le monde. Voilà, je suis Johan. Un ancien patient qui est arrivé dans la vie, qui a surmonté ses épreuves et tout ça, et maintenant qui a la joie dans la vie. Et voilà, et je vous partageais en fait une musique un peu d'amour un peu qui m'a un peu inspiré quand j'étais jeune. C'était le groupe Bastrus Boys. Et, Bastrus Boys. Bastrus Boys. Bastrus Boys. Vous connaissez, je pense que vous connaissez. Donc voilà, je vais vous interpréter une petite chanson que j'ai remixée à ma sauce et tout. Et c'était bon vivant. Donc je suis allé au studio et j'ai beaucoup aimé ce moment. Sympa. Hein. Voilà. Merci. Ouais, bah ouais, j'ai surmonté mes épreuves comme ça. Et... Donc voilà. J'y vais. C'est bon? Voilà. l'a chanté, tu l'as mémorisé, tu l'as destiné à qui ? À sa chérie. Oh baby, laisse pas tomber ton bien-aimé. Oui. Bravo. Je passe super bien le micro. Hein. Si, ça marche. On peut mettre une musique ? Oui, vas-y, Alain, maintenant c'est Alain. Cool. Voilà, on est fan de musique aujourd'hui. Est-ce que tu veux quoi ? Tu veux le tu, mini tu jack. Pas ton téléphone là, non, ça marche pas ? Le mini jack. Oui, mini jack, je te le donne tout de suite, une seconde. Merci. Tac. On a passé des parler là avant 17h, on a parlé des dieux, du mysticisme, de la vie, de l'invisible. Du visible et de l'invisible. Ouais, de quoi d'autre, Bastien ? Il faut voir des choses visibles et les choses invisibles aussi, les choses qui font part de la vie. Ouais, qu'est-ce que c'est pour toi l'invisible ? Visible, c'est les choses qu'on voit, du visible, de vrai. Après, à l'invisible, c'est les choses qu'on voit pas après. Je comprenais le niveau, là. D'accord. Oui. Et attends, Jérémy. T'aurais plein de trucs à apprendre. Jérémy. Oui, donc tu parlais de la visite, du visible et l'invisible. Après, à la visite, c'est ce qu'on voit, c'est quand c'est faisable, on voit le visible vrai. Et quand on sait pas visible, c'est quand on l'a pas vu. Tout à l'heure, Bip Bip nous montrait ses photos de l'invisible, hein, de l'arbre, tout ça. On a vu des choses, Bip Bip. On a vu les choses de l'arbre. Prends un micro là, prends un autre là, tiens. Hélas, hein, ils sont restés invisibles même à la présentation des images. Hein. Mais je cherche. Hein. Moi, j'ai vu la première fois, moi, je te crois. Hein. C'est oui, comme mais ça. Celle-là n'était pas flagrante. C'était quelque chose sur le mur. Mais oui. Moi, je veux quelque chose. Je veux des visages qui apparaissent. Moi, je t'ai montré après. Des visages qui apparaissent, oui. Non, des vrais visages. Je t'ai montré une photo visages. Que je fais là. Et j'étais au tombeau de Gourgef, un philosophe. Et il y a une espèce de rayon de lumière qui émergeait. Il y a des rayons de lumière qui... Ouais, qui sortaient de la Terre. Qui ressortaient de la Terre, oui. C'était la Voie lactée, peut-être. Voilà, donc on va sur Alain qui va... Alain, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'on va... Une légende que l'on ne présente plus. Johnny Cash. Johnny Cash. Un mec qui a commencé par être un bon raciste et qui est devenu un humain correct à la fin de sa vie. C'est quand même une bonne histoire de rédemption. Ah oui. Alors, vas-y, on écoute. C'est bon, ça marche ? Ça, c'est sa dernière chanson. Ah non, attends, donnez. Non, ça, on a des données, les mauvaises, chanson, c'est ça. C'est une reprise de Nine Inch Nails. Et Johnny oui. Cash, il est mort avant d'avoir vu le clip. Oui, ah, oui, Johnny Cash, c'est vrai qu'avant de mourir, il a fait une version de plusieurs chansons de Depeche Mode, de Nine Inch Nails, et plein de groupes contemporains. Il y a Personal Jesus qui l'a fait, de Depeche Mode. Voilà, donc tu peux y aller. Là, normalement, ça devrait marcher. Tu as mis play. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns. My life's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. C'était Johnny Cash, quand il a prêté Nine Inch Nails et qui était accompagné au chœur par Alain et Bastien. Alain et Bastien. Ouais. Bastien, qu'est-ce que tu voulais nous dire je vais vous laisser la parole. Ok, tu peux me laisser la parole, Alain. Tu veux dire autre chose ? Je vais mettre un petit son de rap. Un son à toi, oui, c'est ça. Vas-y. Alain, ça fait longtemps que tu venais pas là, ça te manquait ta musique. Cool. Vas-y. Métanoïaque sur Pinode. Faut que je trouve, à chaque fois, c'est un peu une galère. Allez. C'est pas grave. Vous voulez me dire quelque chose pour l'instant ? On n'est pas fou pour rien. Tenez. Attendez. Oupa. Allez-y. Parlez pendant le temps qu'on trouve le morceau de musique. Allez-y. Moi. Pas le micro. Bon, c'est belle votre voix. Il n'y a pas de souci. Moi non plus, je n'ai pas ma voix, mais c'est obligé de l'utiliser. Hein. On communique. On communique, voilà. À la radio, c'est ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas sur votre voix ? Au micro. Non ? Oh, ça va venir. Prenez votre temps. On n'est pas obligé de parler si vous voulez, mais on est là. Ça viendra. Vous prenez après votre micro, vous parlez. Pour l'instant, c'est Alain. Alain, est-ce que tu peux nous présenter le morceau que tu veux nous montrer, ta compo? Alors, il fait les codes. C'est un petit texte que j'ai écrit avec des mots imposés. Enfin, le début du texte, j'ai écrit avec des mots imposés. C'était un pote qui est un peu mystique, donc il m'a filé des mots bien compliqués comme il faut. Ça a été un peu une galère d'écrire le texte, mais en même temps, comme j'étais en manque d'inspiration, un peu de contrainte libère la créativité, comme qui dirait. Et du coup, j'ai pu écrire, car j'avais des mots imposés, sinon je n'y serais pas arrivé. Par tradition. Un yaourt vanille, un stick que je roule comme une bille. Au bout du stalagmite, une ampoule. Sa luminescence éclaire une foule. Et l'oiseau de nuit que je suis. Dans mon sanctuaire, l'halogène éclaire. Mon crépuscule, ma clairière. Les surfeuses sont à 1000 km dans cet enchevêtrement de traîtres et de bœufs. J'ai pas trouvé de maître. La condensation sur mes fenêtres pourrait faire pousser la verdure. Mais les vicissitudes perdurent Et c'est en pleine transhumanité que cette étrange cosmogonie m'a activé. Le tourne-disque a joué une éclipse. C'est ta nomenclature, tu l'as vu en ellipse. Le pélican à la trouille du tripode dans la vallée. Quand la cigogne mouille, c'est pas pour faire des bébés. L'insta suprême du minute nous dit qu'il n'y a rien à faire entre une guerre thermonucléaire. Et quand tu vois leur mouille, tu te dis qu'il n'y a pas de surfeuse hiératique en cavale au forum économique mondial. Les reclus, on exclut de leurs pensées cadencées, perclus de vérité crue, les faiblesses de nos vertus, laisse de côté les inconnus, trucs au change, ce sucre sur l'échange, qui vire allègre, qui pue la pègre, soldé par la soldatesse, pas de bol, la fresque, blase, elle ennuie, et regarde la folie, elle s'enfuit, par la base, en queue de pie. Feu de tout bois et broie tout le feu de ce B-52 en vitriolé miroir. La conscience de la décadente tangente qui découpe la poire fait mieux rigoler que le trophée de la moiteur morphée. Et 6 enfants, l'enfant d'antan en un lointain voisin réclame son dû, ses promesses. Dormir. Oublier la bière, se désaxer pour accéder au paradis des oublieux qui ne demandent pas mieux que de manger mais qui n'ont pas un radis et qui sentent le danger quand un flic se raidit. Dormir pour mieux fuir le monde et ses si certaines sévérités. Ces ondes te suivraient, quand bien même t'irais te terrer à Villa Coublée ou à l'île de Ré. Dormir, tu feras mieux avec une pépée. Oui, bravo. Attends. Ouais. Tu veux mettre une autre? C'est bon. Vas-y. Bien, Momo. Ouais, oui, attends, on va passer une chanson, mais Dask, est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles, comment tu composes? Tu pars, Bastien? Ah, je vais partir. Ah, mais tu nous chantes une chanson avant que tu parles? Ça te va? Oui. Attends, Lili, une chanson que tu veux, vas-y, tu sais chanter. Dealer de Zouk. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, c'est Bastien au micro, en plein impro. Mets la musique. Dealer de Zouk. Tu veux quoi? Dealer de Zouk, oui. C'est quoi ça? C'est laisse pas parler les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, je connaissais pas ça, mais bon, après on verra. Dealer de Zouk sur Pinode. Jérémy connaît tout. Oui, sur Metanoïac, Pinode. Il est 17h de suite. On a encore 40 minutes devant nous. Planète Metanoïac. Planète Metanoïac. Inaltinio nous a mis sur la constellation Metanoïac. Parce qu'Inaltinio, c'est notre représentant dans le système solaire. Il est 17h19. Ils sont bêtes à New York, ça danse. Elle danse à fond. En bas t'aimer, penser, imaginer. Quel ennui, en jeté, qui passait. L'eau promesse pour cacher faiblesse en vous. Yeah. qu'il y a des deux pommes. Parce que j'entends surtout ça augmenter la température. On est parti sur des... sur des bails de zouk là. Exactement, et, ouais. Et ça zouké même, hein, ça zouké même ici même, ouais. Là. Donc à Métanoïa, ça zouk ou quoi, Johan? C'est comment, Johan? Ah donc, non, Métanoïa, ça zouk. Bah, c'est une bonne radio. Il y a une partenaire là pour zouker. Nous, on a zouké dans le couloir, on va pas faire ça. Ah, t'es un petit cachotier, Johan. Non, j'ai dansé un petit peu. Ah, on s'est enjaillé. On s'est enjaillé, jaillé. Si. Ah, en intime, c'est mieux. Ouais, balancer. Bon, toujours dans la musique, on va essayer de faire des trucs. Balancer des trucs, là, c'est intéressant. Balancer des trucs. T'as le micro en main, Johan. Oui, Johan. Il y a Johan. Yeah. On va un peu changer d'instru, tout ça. Johan, Jérémy, qui fait des choses. C'est Dask qui est bon pour le... Tu peux le mettre en rythme aux impros, là? Attends. Garde-le, parce que là, on va faire une impro, et après on vient sur toi. Laisse-le là. C'est bon. Et après, tu vas mettre lunatique et tu vas parler du système solaire. Oui, voilà. On se prépare, on est là, on est un pro, on est vivant. Tout est là, tout le monde arrive, tout le monde s'en va, tout le monde revient. Ils font ce... Voilà. Tout le monde est vivant, là. C'est les cellules qui vivent. Et pas le micro, là, mais parce que sinon, on t'entend pas. C'est comme si on faisait... Ça va démarrer avec un petit spécial. Ouais. Pour les anciens. Vas-y, Séverine, tu peux parler. Hein, vas-y. C'est comme si on était un corps et qu'il y avait chacun des petites cellules. Mais oui. Et elles vivent leur vie, elles remplissent leurs fonctions et voilà. Voilà, chacun des noms, c'est une partie. J'étais en train de penser à un truc, ça aurait été mieux dit si je l'avais dit dans la spontanéité. Mais en fait, nous les blacks, white and black, on pense tout par la danse. Et en fait, je pense que c'est par rapport à l'esclavage, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc on faisait tout par les mouvements, par la danse, par le corps. Et on exprime... Il y a un sport qui s'appelle le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, pas le yoga. C'est un truc guerrier, en fait. C'est les esclaves qui ne pouvaient pas opprimer. La capoeira, merci. Merci de me l'avoir filé. La capoeira. Donc, ça forme une danse, en fait, une danse combat. Et quand on danse le zouk, moi, ça me fait penser à une danse câline. Donc, une autre forme de combat, quoi. Voilà, c'était pour rigoler par rapport au zouk et dire que c'est une danse spéciale. Que personnellement, je n'arrive pas à danser devant les autres parce qu'elle est trop. C'est une danse rapprochée qui est trop sensuelle et trop sensuelle pour moi. Voilà, je suis gênée quand. C'est un truc que je peux pas faire. J'ai un blocage depuis que je suis petite. Un blocage de sensualité? Ouais, je trouve ça tellement sensuel que pour moi, c'est pas loin d'un préliminaire. Donc je trouve qu'on est préliminaire, on n'a pas à les faire devant les autres. Ou pas comme ça, pas à ce point-là, quoi. Il faut que vous allez au Brésil, moi, là. Moi, je préfère les... Je suis plus dans le verbal, les préliminaires verbaux. C'est plus mon truc. Bah, des gens qui sont plus langage, des gens qui sont plus physiques, plus odeur. Plus fin dans le langage. Oui, des gens qui sont de préliminaires d'oreilles, préliminaires de bouche, préliminaires de yeux. Ouais, mais quand c'est commun, quand c'est sur une piste de danse, c'est commun. Je trouve que ça me fait penser à des partouzes, voilà. Voilà, j'ai osé le dire. La partouze à la radio. Oui, allez-y, les duos partout à la radio, vas-y, Jérémy et Johan, en direct. Merci, moi, Séverine. Je pense à des trucs bizarres, excusez-moi. Mais tu as les droits, hein. Là, ici, on peut penser à des trucs bizarres. On a les droits d'être bizarres. Si vous voulez, le sac, vous le prenez, hein. On me l'a ramené de Normandie, là. Non, parce que lui, ils vont faire un... Après, on va les mettre, attends. Voilà, OK. C'est... Vas-y, tu es prêt? Vas-y, tu peux y aller. Johan et Jérémy sur Métanoïaque. On est sur Radio Métanoïaque, pinode.org. Ouais, je voulais juste couper la parole pour que vous écoutez bien ce que je dis. Voilà, je t'embête encore une fois parce qu'après je m'en vais. Je voulais vous dire dans vos rapports, n'oubliez pas les préservatifs parce que le sida court toujours. Et surtout, faites l'amour, pas la guerre. Le préservatif est bien moins cher que le nucléaire. Allez, on y va. Ok. Le CRSA, je connais un Johan. Prenez quoi avec moi. Moi j'attends le refrain pour commencer. C'est instrumental ou c'est quoi? Non, c'est une petite chose, c'est vraiment. Okay. J'attends le refrain, c'est le premier et je commence. L'autre refrain. J'ai capté, ouais. Je t'aime, te haine, des émotions paradoxales, les peines, les chaînes, rien n'est à la rigolade, mais moi est paradoxal, je t'aimerais de tout mon vivant, d'un qu'elle veut plus à notre âge, bien qu'elle soit ravissante, Olivier. Ok. D'un qu'elle n'est plus à notre âge, bien qu'elle soit ravissante. Paradoxe ou paradis? Paradis ou paradoxe? Les affects, box à vie. Paradoxe ou paradis? Paradis ou paradoxe? Les affects, box à vie. Ok. Le moi est paradoxal. Je t'aimerais de tout mon vivant. D'agré qu'elle n'est plus à notre âge. Bien qu'elle soit ravissante. Dizyak. Ok, hey, bébé, t'es arrivé en face de moi, ouais, je sais pas comment te dire comment t'es belle, hey, ici bas on est là sur terre, hey, quand je vois Brandy montrer son galop, hey, elle est là, hey, elle est subtile, elle est posée, c'est pas possible, comment elle manie bien le micro, eh, allez ça, eh, allez tous, eh, allez pop pop cœur dans le système de Johan Enzo, et eh, on est là à la radio, on est posé à faire du sale, ouais, quand j'écoute cette girl, elle a le tempo de Miami. C'était Jérémy. Vas-y. Retour de. Non, pas Jérémy, Black Ace. Black Ace. C'est le retour de. Ah, Jason. Jason, vas-y, Jason. C'est ton tour et après c'est. Yes. On va passer à Lunatic et le système solaire. Attends, vas-y. Ouais, je te le passe, Jason, tout de suite. Ouais. Moi, je reviens pour les 10 dernières minutes. À 50. Il y a Neptune qui va parler. Donc, on a Jason. Yes. Ouais, yo. Mais Jason doit se préparer avant. Mercure. C'est qui Mercure? C'est Jason? Jason, on vient te baptiser Mercure. Parce que notre spécialiste au système solaire dit que tu es Mercure. Soit disant, je sais pas. Oui, alors Jason qui vient d'arriver de Qatar à pied. ça fait un mois et demi à pied. Vas-y, attends. T'entends. Tu l'as mis le câble? Ouais, j'ai branché. Il est branché? Normalement, c'est bon. Mets volume sur ton téléphone. I'm just a great. C'était Jason. C'était quoi comme chanson, Jason, tu chantais? Mets le micro là. Edge of Great. Et là, Edge of Great. Neptune qui va répondre système solaire et la musique de. Tu pourrais présenter ma vie. Alors, je vais passer une spéciale dédicace à Mohamed. Mohamed Karoui. Je lui mets sa chanson préférée. Et. J'espère qu'il pense en lui et qu'il va bien. La musique va pas tarder à passer. Non, c'est bon. Je mets de la musique lunatique. Pas de temps pour les regrets. Lunaté, Booba Ali, 9 de I, à la vie, Inch'Allah, général. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour se procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil, quand c'est la nuit qu'on agit, traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle attitude, sous n'importe quel degré. Le monde est vaste, pour certains trop petits, séparés en deux castes. Ceux qui répandent de l'amour et ceux qui dépendent de la haine. On y grandit en perdant l'innocence que chacun nous possède à sa naissance. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon ADN, n'aimons pas pour vivre seul. Cause au nom de l'universel, puise mes instruments dans la flore pour ma faune, dans la rue pour mes gens, aussi instinct de faux, va nous les faunes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction, reviens les autres. Que veux-tu que je dise quand s'enfonce les têtes de mon 92 enfance, trop se plaît, attisé et vomis, spliff avant de dormir, et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Pas temps pour les regrets. Pas temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Comme l'a dit. J'ai mis Johnny Cash. Ah bien. J'allais pas mettre Mylène Farmer. Tu regardes toujours. Mylène. Mylène, faut pas les gars, on n'est pas tous des bandits, mais avec les armes qu'on se fait, on les brandit. Et oui, c'est comme ça qu'on a grandi à la cité, à la Tessie. Je le dis encore, je le répète une fois. Et puis quoi, tant mieux pour moi. Et pour une fois, je dirai Wallah, Inch'Allah, j'arrêterai pas. Papa, j'irai dans le chemin, le chemin tracé tout droit. Dans le chemin qui me dirigera. Enfin, quand il n'y a plus le tempo, maintenant j'ai plus les mots. Désolé. Je rêverais de rejoindre son panier des cocos. Ouais, j'avoue, ouais. J'en ai marre des blagues à Toto. Bah là, ils payent ça. Ils sont en procès pour mise en danger d'autrui. La vie humaine, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais là, ils payent son esclavage, hein. 40 000 euros. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs m'appartiennent, ça m'y amène pour amener ma part de progrès. Je suis pas sous la douche pour pouvoir dire de quelle souche je viens. Mais pas de corona, pas de visa, pas de mastercard. Et des illuminatis. Moi je voudrais me manger quelques tartes par le daron. Quand je suis vraiment trois fonds dans la livre. On parlait des tours et des complots, des illuminatis, des sorciers, tout ça, c'était génial. Sous fond de Mylène Farmer, c'était bien. Ouais, non, mais c'était bien, super. Bip bip là, avec l'accompagnement. Oui, Natik, un classique. Booba Ali, forcément. J'ai mis sur ma page Facebook. Mais là, une conversation. Oui. Qu'est-ce que vous parlez, messieurs, dames? Et qu'est-ce que tu deviens depuis la dernière fois? La routine. La routine. Ouais. Ok. De quoi on parle? Oui. En fait, je suis allée plusieurs fois chez Alain et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Depuis là, mais tu sais qu'il y a eu un incendie à l'île de Fourcy, mon logement a été touché. Ah, je savais pas. Voilà. Bien. Et je connais ses potes et tout, j'adore ses potes. On parle de la théorie du complot, tout ça. Voilà, fan de Mylène Farmer. On refait le monde. Mmh. On boit quoi? Je sais pas, je crois que t'avais demandé du mousse. Ouais, du mousse. Du mousse. Je crois que t'avais demandé du mousse, t'en voulais pas? Moi, je bois pas trop de mousseux d'habitude. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, faut bien faire plaisir à la dame. Bah oui. Mais ça t'a fait plaisir ou pas, Alain? Ouais. Ah quand même, j'ai cru que j'étais une emmerdeuse. Non. Donc voilà. Mais non, sinon, c'était une bonne ambiance. Cool. C'est vrai que c'était une bonne ambiance. Et c'est vrai que peu de temps après, il y a eu un incendie à la Litte Fursi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en octobre, il y a eu un incendie chez moi. Du coup, tu crèches où? Bah du coup, je crèche chez ma grand-mère à Gagny. À Gagny? Ouais. Mmh. Et ça fait 2 mois maintenant. Mmh. Et là, j'ai été à Bondy Habitat juste avant de venir. Ça marche. Ils m'ont dit la prochaine commission, je suis relogé d'office. Tout est carré. Cool. Ah ouais. Te fais pas avoir sur le logement, refuse s'il est pourri. Bah c'est clair. Ils peuvent jouer là-dessus, que je sois dans l'urgence. Mmh. Ils me proposaient je sais pas où, mais bon, on verra. Mmh. On verra. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Bah après, ce sera mon tour de te réinviter. Vas-y, je suis partant. Bah, c'est clair. Oui. C'est pas toujours toi qui vas m'inviter chez toi. Oui. Bonjour à tout le monde. On a fini. Hein. Je suis Madame Mijailovic. Je viens de Serbie. J'ai de la... 13 février, c'est mon anniversaire. J'ai 32 ans. J'ai un fils à 9 ans. Et voilà, je suis hospitalisée parce que voilà, je suis pas bien et j'ai envie de suicider. Et je suis hospitalisée ici. C'est la 12e fois que j'ai hospitalisé ici. Voilà. D'accord. Mais en fait, hospitalisée, pourquoi, ma chérie? À cause des suicides. Ah, dépression? Ouais. D'accord. Tu nous avais partagé une musique. Ouais. Il y a moins que de la remettre tout de suite. À tout à l'heure, je mets la musique, mais t'es pas là. Ouais, ok, il faut finir avec cette musique. Elle est en giant, elle est festive. Là, je vois un peu, je peux faire un petit truc vite fait. Parce que tout à l'heure, c'était l'échauffement, en vrai. Je trouve la jack. T'as fait ton injection, c'est ça? Ouais. Alors, quoi de neuf? En vélo? Mais avec ta psy, quoi de neuf, ça va? C'est vrai? Alors? Bon, allez, j'ai... Yes, continue avec les. Ça fait des. Continue, on va se balader là. Yeah, ok, yeah. Je me promène sur Paris, j'avance un petit pas dans la ville. J'essaie de m'éloigner du SUV, même si le 7-5 brille, c'est obscur. Ah ouais, ouais, ouais. Les véhicules passent, il reste encore des ordures. Ouais, ouais, ouais. Bien évidemment, les drogues ont pris la place des médicaments. Bien évidemment, les drogues ont pris la place des médicaments. Oh, médicaments, médicaments. Je cherche la réussite sociale. Sociale. Pour me tester, trop tard. Trop tard. Sous les regards, l'aventure me mène au cadre. Au calme, au calme. Au calme. Je procède sans faire d'erreur. L'erreur est ma meilleure, l'erreur. Tout milieu est compétitif. Tout milieu est compétitif. Tout milieu est compétitif. Je sais ce qu'ils veulent. Je fais mes preuves. Jusqu'à qu'ils disent je suis le boss du ring. Boss du ring. Boss du ring. Boss du ring. Je bosse et je rime. My people. Je bosse et je rime, my people. Ah ouais, ouais, ouais. My ouais, people. Ouais. Ah ouais, bienvenue ouais, ouais. Ici, my people. C'est la radio, my people. Get fun. Get sun. Bienvenue ici, get learn. Get fun. Ready to fly? Ready to fly? Aïe, aïe. Ready to fly? Oh pick me what's on the sky. Oh baby. Oh makes me walk on the sky. Every day, every time. My wings are so clean, so style. Welcome to bliss, freedom and peace. Oh please, I need to breathe. Day after, day after, day after. Tout le monde. Keep fly, et after, ça taille avec des noms de grands inconnus, connus. Protéines, vitamines, samodaye, gusatopi, nikadneće, ništa slatko ne treba, je photoshop. Kada obučem suknju mini, ona radi mena kod, ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad, radi guzu, šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Pa kaže, oj oko joko, a sam se naroko, otkad sam vidio tvoje crno oko. Oj oko joko, a sam se naroko, otkad sam vidio tvoje crno oko. Qu'est-ce que ça veut dire radi guzu? Qu'est-ce que ça veut dire radi guzu? Il y en a un ballon, il a fait Tout le monde cherche un peu. Un peu de percussion. Métanoïa, on a la chance d'avoir plusieurs qui sont chauds pour la musique là. En live in direct, Métanoïa tout court. Ça arrive le son. Ok. Ouais, tu m'accompagnes ? Elle est trop classe celle-là. Okay. Personne n'a posé dessus, t'inquiète, personne. Impro, total. Non, moi je suis bon impro total, vas-y. Mais moi j'ai pas les mots, tu connais bien que je suis pas gros, pas gros, pas de gros mots au micro. Toi-même tu sais qu'on est poli, impoli de tesse. Mais la princesse, elle vient pas de la tesse. Elle est chaud, elle est chaud. Yes, en impro, en impro. Moi je suis pas en impro là, je peux faire mais non. Ok, bon. Les notes. Ok, je ne rappe pas, je ne parle pas, je frappe la basse. Le temps et le progrès, c'est la base. Je n'observe pas les autres faire, je préfère agir. Peu importe ce qui arrive la nuit, dans les abîmes, je m'abîme avec une féline qui me câline. Le jour je côtoie la mauvaise humeur de Paris, de Paris, Paris. Eh, les dames pas ici, vénales pas ici. Le chiffre zéro par 10 avant de partir. Et les politiques en face to face. Et les politiques en face to face. Et ils se paient de notre tête. Et les politiques en face to face. Et ok. Je compte beaucoup sur mon souffle. Mon souffle. Je compte beaucoup sur mon souffle. Mon souffle. De même quand je souffle. Soul. Blow. My soul, blow, blow. My soul, blow, blow. L'humain est dur à endurer. La sécurité nous permet de perdurer. Qu'on soit ou non éduqué. Ok. Avec maestria. Je fais de la monnaie par la musique plus loin. Je fais de la monnaie par la musique plus loin. Je fais la monnaie par la musique, plus d'un flot dans l'usine. Lyrics utile et lucide, la technique sculptive, l'art d'écrire aussi. On a un rôle à jouer en vie, en vie. On a un rôle à jouer en vie, en vie. J'ai l'envie de vivre libre, Tilda Ross. Oui, j'ai les clés de mon destin pour devenir le boss. SOS, amour et haine. S.O.N. Amour et haine. S.O.N. Amour et haine. S.O.N. Amour et haine. S.O.N. Amour et haine. S.O.N. Amour et haine. S.O.N. Amour et haine. Amour et haine. Dans la C. Dans la C. Je suis tombé, mais je sais me relever. L'humanité n'est pas finie de se déclasser. Avec tous les péchés, mes faits que j'ai faits, mais que les autres vont payer. Oh, l'enfer. C'est clair, sur terre, on tombera tous par terre. Dans un cercueil où on coulera tous dans la mer. En l'air, on s'envoie tous les jours. Et puis quoi d'autre? Faire, faire. Le temps il passe mais j'ai pas les bonnes notes au pied, ni les boulets. Au pied à comme un caniche devant qui devant, devant l'Elysée Matignon. On n'est pas tous mignons, on n'est pas tous des... Pas de soucis, si tu vas bien, je sais pas, même moi je sais que je vais trouver le tempo avec la bonne chanson. Et j'ai pas de temps. Envie de m'exprimer sans savoir se lasser. Envie de m'exprimer pour pouvoir discuter. Envie. En vitesse, fais-le pour moi. En vitesse, je sais quelle la classe. Sinon, j'aime bien rouler là. Il y a un autre truc qui arrive. Et vois ce que tu peux faire sur celle-ci. Toujours la même constance. Essaye de. Il y en a un qui démarre. Et. Ouais, il y en a une qui arrive. Il est en impro. Hein. Jean, je m'appelle Jean, j'en ai marre de ces bruits que j'entends si tard. Tous les pétards qui claquent et qui font pas là. J'en ai ma claque et je vais claquer la porte. Torte, torte. Another text in English, another taste of the fishy touch, another waste of this delightful speech. No other than me can give you that itch. Smoother than others, I do not write to irritate. I do it to get in the mood of a blissful fate. Through which you can guess, it's a full rate of doom, boom. Music after there, man, it's a shame to be lame. All the more, not all the same. Spirit, soul, fearful thoughts. Demonic glances, trick, kick in the face of whoever's listening, whatever. I needed to spit, I needed to spit. I spat and I still spit this glistening fire. Rather lower than higher as the beat sinks in every vessel, every sweet swollen cell. Music I do not sell. Not yet, time will come, you bit. This is for my people. Yes. Il y a du flow ricain, il y a du flow old school, old school. Ouais, ça continue l'instru. Ouais, je suis pas mal pour être honnête avec vous, ça fait. Ok, ok. La rue c'est la société, être ensemble c'est le pro. Céder, plusieurs façons de faire. De l'argent, l'argent, l'argent, l'argent retourne l'esprit des gens. Eh, des gens, des gens. Presque tout puissant. Presque tout puissant. Presque tout puissant sur scène, eh. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. La porte de la foi est ouverte, Dieu tire le poignet puis j'entre. Ah, t'as entendu celui-là? Il était chaud. Yeah. Ah. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. Eh. Presque tout puissant sur eh. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. La porte de la foi est ouverte, je tire le poignet puis j'entre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Tout comme toi, rien de spécial. Illuminati, the crazy joke, make you a lazy boy. Allons ensemble, viens vers là. Fini pour le fire, maman n'est plus une limite. Il y a encore des kickers là pour... Old school, old school, on continue. Illuminati's a crazy joke, make you a lazy bloke. Shake it, your ladies on coke, and our planet's got the good smoke. The US cache, je suis un cas, mais aussi un dieu qui te hue, qui te tue en deux-deux. Comme s'il y avait le feu, je me pose sur aucun beat. La bite entre les bœufs, je fais un spliff de bœuf entre les lèvres. Et si tu l'ouvres, gars, vaut mieux que tu fasses gaffe, gars. Car j'ai moins de câble, j'ai peut-être pas d'armes, mais c'est pour un bec que tu te prennes une baffe, gars. Oh, wesh, y'a du niveau, y'a du niveau. Y'a rien à dire, y'a tout à faire, y'a tout à écrire tout pour moi, surtout. Hein. Cette fin de journée, c'est old school. Old school, old school. J'ai trouvé des boss. À l'ancienne, on fait ça à l'ancienne. Trouver des boss. À l'ancienne, à l'ancienne. Dommage, j'ai pas un gars qui sait faire du beatbox. Ah, on aurait fait des trucs à l'ancienne. Jason, c'est une nouvelle génération. Il a pas connu ça, les 90. L'âge d'or du rap français. From the hip, the hop, the hibbity hip hop. Oh no, I don't wanna go pop. I got too much soul, rhythm and blues, R&B, you see, yeah, that's cool, but hip hop and rap, yeah, that's where my heart's at. Radio Méta, Radio Méta, je suis obligé de vous laisser. Merci, merci à tout le monde. Je remercie tout le monde d'être venu. Métanoïac, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci, Bip. Bonne journée, bonne soirée et prochaine fois. Je viens. Merci tout le monde. Si je suis toujours en vie. On est là, Métanoïac. J'arrive bien, je rejoindrai même là-bas en Serbie. I feel it coming. Merci. Oui, Sophie. Non, je voulais savoir, comme je suis arrivée il y a une demi-heure, si depuis 16h30, 17h, vous avez parlé ou juste... On est là depuis 15h. On a parlé de quoi, Tessa? Ouais, vas-y. On a parlé de l'univers. D'accord. Système solaire, ouais. Neptune, Mercure, etc. Ouais. On a parlé du monde des invisibles avec Bibi qui vient de partir. Waouh. Et on a mis beaucoup de musique aujourd'hui. D'accord, ok. On a mis de la musique serbe, du zouk. Non. Ouais. Du zouk. Ouais. On a mis la musique merde. De Johan. Ouais. Qu'il a enregistré en studio la semaine dernière. Ouais. Et en gros, voilà, c'est tout ce qu'on, tout ce dont on a parlé. Ok. Alan nous a montré sa musique. Oui, la musique. Mais c'était cool. Rien à faire, ouais. Et sur les invisibles, c'était. C'était Neptune et. D'accord. Et les invisibles, c'était sur les planètes aussi. Surtout. Ouais, surtout. D'accord. Ah, c'était passionnant. Il nous parlait de ce qu'il voyait en photo. Il voyait tout ce qui était invisible et que nous, d'accord. On ne pouvait pas voir. Avec son œil artistique. Exact. Ah ouais, ça devait être passionnant, ouais. Ouais. Cool. Par contre, docteur, vous m'avez dit...